battons pas en vain. Nous ne souffrons pas en vain pour l'évangile. Nous ne subissons pas en vain les injustices de la terre, les incohérences de ce monde, en essayant de combattre pour la juste cause, pour le principe juste. Il y a un au-delà où Dieu nous réserve mieux. Là-bas, quel que soit, nous sommes des mortels. Quel que soit, nous sommes des passagers et des pèlerins. Tous les humains passeront. Mais Dieu ne passe jamais. Dieu est immuable. Il est le même tout le temps. Il est le même chaque fois. Il est le même dans chaque génération. Il est le même pour chaque famille. Il est le même pour chaque couple. Il est le même pour chaque personne qui s'approchera de lui. Il regardera à lui. Il comptera sur lui. Il l'appellera sur la scène. Il l'adorera de tout cœur. Il est le même pour chaque personne. Un Dieu merveilleux. Il est merveilleux dans la bataille. Il est merveilleux dans la guérison. Il est merveilleux dans le salut. Il est merveilleux dans ce miracle. Il est merveilleux dans ses interventions. Il est merveilleux à son service. Il est merveilleux pour secourir. Il est merveilleux pour pardonner les péchés. Il est merveilleux pour regarder à lui. Dieu est merveilleux pour nous aider. Nous n'avons pas d'autre secours que lui. Un seul peut apporter le salut. Et c'est le Dieu créateur. Le Dieu, il est amour. Il est puissant. Il est la dignité. Il est votre valeur. Dieu incomparable. Sur qui comptez vraiment. Même dans les situations difficiles, les situations désespérées, pour lesquelles aucun homme n'a de solution, mais Dieu fera quelque chose. Que ta foi se réveille, que ton amour envers lui se manifeste. Ouais. Il peut intervenir. Il peut nous aider. Il peut nous secourir. Oh. C'est comme tantôt là encore. Avant qu'on commence ici, le communiqué est encore ici, je ne l'ai pas encore lu. Mais ça m'était déjà chuchoté. Et le câble du groupe électrogène s'était cassé. Et aussi, le courant est parti, il y a une coupure d'électricité. Donc on ne savait pas démarrer le groupe. Pour la deuxième fois, le câble s'est cassé. Et maintenant, vous l'entendez, ça vient de réussir. Quand notre intelligence s'achève, une petite inspiration peut venir. Une solution peut surgir de l'électricité. Pour que nous puissions trouver. Trouver la joie. Être satisfait. Chasser une partie de tristesse. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais je constate que le groupe est allumé. Pourquoi? Dieu demeure notre secours. Quand nous sommes dans la détresse, il est toujours notre secours. Regardez à lui, Église. Ayons confiance qu'il agit. Il est merveilleux dans la guérison. Il est merveilleux. Merveilleux dans le salut. Il est merveilleux dans la bataille. Dans le combat, il est merveilleux. À la guerre, il est merveilleux. Dieu d'amour qui aime nous sauver, dont la valeur au salut de nos âmes, et qui a promis le salut de nos âmes, comme le prix de notre foi. Nous l'avons entendu vendredi, nous croyons toujours. Cette parole n'est pas révolue, elle est toujours d'actualité. Vous recevrez le salut de vos âmes, comme prix de votre foi. Ce matin, chacun y croit encore. Dieu qui l'a promis n'est pas mort. Il n'est pas passé comme vendredi. Mais sa parole demeure éternellement. Vous restez vrai. Le salut de vos âmes, comme prix de votre foi. C'est un grand prix. Il nous honorera. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. Et c'est lui qui le fera. Dieu merveilleux, nous te remercions et bénissons ton nom pour ce grand privilège que tu nous accordes ce matin de pouvoir nous tenir devant Dieu, d'adresser nos prières avec foi que tu es puissant. Tes puissances sont multiples. Tu peux intervenir diversement. Par l'onction, par l'inspiration, par la révélation, par la vision, par la prophétie, par le parler en langue, par divers miracles, par les guérisons divines. Tu peux intervenir diversement, Seigneur. Tu peux restaurer nos âmes et bénir nos vies. Que ce soit une vie abondante, une vie de joie, une vie consolée, que la donner à chacun de nous, pleine d'espérance et de vigueur d'en haut, et nous donner des corps pleins de force pour mieux te servir, mieux combattre le combat de toi. Pour chacun ces corps pleins de force, pleins de santé, pleins de vigueur et de victoire, dans le nom de Jésus-Christ. Exauce-nous maintenant, Père. Et visite chaque âme qui passe par toi. Tout ce qui regarde à toi. Même là en ligne maintenant. Visite cette âme. Apporte la Pentecôte. La puissance de haut. La fortification. Au nom de Jésus-Christ. Parle-nous maintenant. La parole du salut. Nourris-nous de ça. La parole du salut. Fais nous boire chacun. La parole du salut. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Nous devons lire la parole de Dieu. Veuillez m'excuser. Voilà, nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible. Oh, Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous lisons ici. Acte 13. Le verset 26. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Bandeko, batona libota na Abraham, se batona ko banga nzambe, kati na bino, sango na lobiko oyo etindameli biso. Luc. Luc. Au chapitre 2. Nakapani bale. Verset 25. Nakapani bale. Ah, 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » On a à Jérusalem, moto à Jalaki, tombo na ye Simeona, ye moto na sembo te, kopunye sanzambe. Ye a Jalaki, kotale la, kobondi sanayi falele, te, molimo monsanto, a Jalaki, li korona ye. Molimo monsanto, alaki sakiye, poye bifaye eti. Opomona kufa te kino, opomona ye Kristo, na koro. Molimo akoti sakiye na tempelo, te, baboti bamemaki mwana Yesu wanapona kosala motindo na moboko na tina na ye pe Simeona akamataki ye na maboko na ye pe asanjolaki Nzambe pe alobaki ete sasa ete nkolo otika mombo na yo kokenda na kimya mpela moko elobaki yo po ete miso na ngai mamoni kobikisa na yo oyo ebongisaki na miso na bato nyonso. Moi, pona, et moi, na mabota, pe, kembo, na batona, isalele. De Corinthiens, chapitre 6, le verset 1 et 2. De Corinthiens, chapitre 6, verset 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Puisque c'est le cas. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Il viendra un temps où Dieu n'exaucera plus les prières. Et pour qu'il exauce au temps favorable. Quand le temps qu'il fait est encore favorable, pour le permettre d'être exaucé. Et quand tu comprends que ce temps est là, alors profite pour adresser des temps et d'abondantes prières. Alors, de prières et des supplications jusqu'à être exaucé, sachant que c'est le temps favorable. Je ne veux pas laisser passer ce temps favorable pour paraître trop tard. Rien ne se passe. Il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Et au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Et je crois que c'est ainsi. Voici maintenant. À l'heure qu'il est ici. Aujourd'hui même là. Tout ce temps que nous vivons là. Voici maintenant le temps favorable. Pour adresser à Dieu des prières et des supplications. D'abondantes prières. Et différents besoins. Il faut les lui demander. C'est maintenant qu'il faut le faire. Car il est disposé. Parce qu'il va exaucer. Voici maintenant le jour du salut. C'est le jour où on peut être sauvé. Et en ce jour, il peut nous secourir. Quel que soit le besoin, quel que soit la difficulté, quel que soit les problèmes, il peut nous secourir. Croyons-nous ça? De tout cœur. Avec joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous reçoive maintenant. Enfin, gloire à son nom. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur. Que vos âmes s'ouvrent pour recevoir le pain de vie éternelle. Que vos âmes s'ouvrent. À cœur joyeux. Manger à la table du Seigneur. Que ce ne soit pas un homme qui nous nourrit. Que ce soit Dieu le bon berger. Et nous nourrisse bec à bec. Allez, ça doit être manger. sa face. Et qu'il tienne nos âmes dans sa sainte présence. Soutienne nos âmes par sa grâce. Alors ce matin, nous nous exhortons à recevoir la parole du salut. Je l'ai mentionné dans les mots de prière. Et je voudrais insinuer cela dans la prédication de l'évangile. L'apôtre Paul l'a si clairement dit et souligné. Nous l'avons lu dans Actes au chapitre 13, le livre Acte 13, verset 26. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Homme frère. Et femme sœur. Homme frère. Et femme sœur. Garçon frère. Et fille sœur. Toutes les catégories de personnes. Il y avait une faculté d'entendre la parole. Même aux sourds, Dieu peut faire entendre son message. Mais à ceux qui n'entendent pas naturellement, Dieu par sa grande puissance, il peut faire en sorte qu'il saisisse son message. Il a promis dans sa parole que les sourds entendront les paroles du livre. Dieu a prévu ça dans sa parole. Dieu a prévu ça dans sa parole. Comme quoi les sourds entendront les paroles du livre. Et il a tout pouvoir pour concrétiser cela. Dieu a tout pouvoir pour réaliser cela. Donnez aux sourds la capacité d'entendre ce que Dieu dit. Cette promesse est véritable. Nos cœurs sont exhortés à y croire. Même les sourds peuvent entendre. Et dans le chemin que Dieu a tracé, qui est la voie du salut, il a dit que même l'insensé ne s'égarera pas. Vous le connaissez bien dans les livres d'Ésaïe chapitre 35. Comme c'est merveilleux de le savoir. Je vais lire encore. Il est dit, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ni l'impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nul bête féroce la prendra. Nul ne s'y rencontrera, attention, les délivrés y marcheront. Balabala et Kozalawana, Zela Penza, et Kobianga Maete, Zela Nabule, Baoye Nambindo, Bakole Kawana Te, Kasie Kozalampona Bango, Batamboli, et Ata Bazo Bampenza, Bakobunga Wanate, Kosia Kozalawana Te, Atanya Manayaou Limoko, Akobuta Nayangote, Bako Mona Nawana Te, Kasi basikolami bakotambola wana. Sur cette route-là, sur le chemin où il y a la voie de salut, au centre du chemin, vous voyez, quand on construit une route, elle peut être spacieuse et large. Dans les bonnes normes, on construit les caniveaux des deux côtés. Selon le relief. Alors, une route à deux bandes. Comme vous voyez, Ici, on a l'habitude de partage sur la chaussée. Awa, basala kanalenge ako kangisa ko busala ekiri mona na kokabula njia. Le tableau est blanc. Bon, je ne sais pas mettre ce marquage en blanc. Na ibite ko changa na pembe kuna ko platiza kokabula. J'essaie de mettre ça en rouge comme ça vous sentez. Amegi ko changa na motane bo na katikati. Pour ceux dont le code de conduite c'est de conduire à droite. Na bawe zali te batam taloboka mobali. Ça c'est le sens aller. Wana ezali lolenge ya kokinda. Et ici c'est le sens retour. Ah ouais, c'est le lenga kuzunga. Mais au milieu là, il y a une bande hachirée. Na katikati wana ezali na esika oyo batie langi que tout conducteur doit respecter. Motambu sinyoso esengeli atosa. Ce sont les conducteurs d'une voiture. Azala oyo azotambusa motuka. D'une jeep 4x4. Azotambusa motuka oyo. Une camionnette. Po motuka mwa monene. Un camion. Motuka. D'un taxi bus. D'un bus, d'une remorque, en tout, cas, mon aîné, tout le monde doit veiller quand il dirige son volant à ce que les deux pneus soient placés entre les deux des délimites. Sans violer l'une là-bas, ni violer l'autre. Même les conducteurs de vélo. Même les conducteurs de moto. Motard, aussi appelé ici communément, Wewa. Tout le monde doit respecter ça. Quand vous avez une population bien éduquée, on n'a pas besoin d'un policier pour nous les rappeler. On se met sur la route, on connaît comment se construit et on marche du côté approprié sans gêner l'autre utilisateur de la route, sans vouloir indisposer les autres usagers de la route. Et une population bien éduquée respectera automatiquement ça. Mais quand vous allez dans un endroit où les gens sont incultes, n'ont pas d'éducation, ni familial, ni quoi, donc on fait n'importe quoi, on va retourner n'importe où. Regardez, quand cette bande ici est hachirée, normalement une ligne continue. Même si il y a une urgence qui te demande toi de tourner ici, il est strictement interdit de traverser ce chemin. Il faut aller là où c'est en ligne discontinue. Là où tu peux quand même passer. On a créé un espace pour le passage des pneus. Ici, il n'y en a pas. Voilà. Ce qui vient là, même discipline. Laissez-moi vous dire que sur cette terre, il y a des pays où la discipline routière est très rigoureuse. La quasi-totalité de la population respecte ces règles sur la route sans bousculade ni surprise. Quand cette bande est remplie, personne ne va s'engager là-bas pour chercher à forcer le passage. Chacun reste là attendant que la voie s'ouvre. En ligne, même si la queue forme 3 kilomètres. Mais il y a des endroits où cette patience n'existe pas. Et celui qui viole, parce qu'il est soi-disant pressé, il est prêt à crier sur quiconque voudra les donner. C'est le fautif qui veut donner les leçons de morale à ceux qui ont raison. Ça veut dire, vous avez là une société de gens pervers. Vous allez na évangile à bateau, va-t-il pour ceba? Ce sont des pervers. Vous allez bateau, va-t-il? Et ils trouvent normal de fonctionner, de raisonner dans la perversité. Vous allez malamu, kubika, kosala makamu na lenga libedi wana. Alors vous avez une société de fous. Voilà vos alina, causant de la bataille à perdu de bon sens. Dans le bagouni, si tu t'en bousses en l'âme, alors sur la route, il se permet de ne pas faire. Dans la vérité, ça quand on a fait un nini. Alors, quand se construit comme ça, quand ton ami boye, il peut y avoir, il devrait y avoir des calibres. C'est le moment où l'année la lune m'a délivré. Mais pensez d'autres. De sorte que si vous regardez la chaussée en horizontale, vous avez fait une coupe sagittale, comme on dirait nous ici. On a coupé la chaussée comme ça. On a fait comme si elle est sur les tableaux. Mais quand vous essayez de la prendre en relief, ça vous donne quelque chose comme ceci. Une pente. Et puis les caniveaux sont ici. Alors, le dessin, la bande ici est au sommet comme ça. Et vous avez une pente de part et d'autre pour faire que l'eau ne traîne pas sur la chaussée. Mais même quand la pluie tombe, un véhicule qui est chargé d'eau ou de liquide ou de pétrole, il s'est mis dans quoi? Mais il s'assoit. Quand il s'est mis dans quoi? Il s'est mis dans quoi? Il s'est mis le goudron sec. Parce que l'eau est le grand ennemi du goudron. C'est le grand ennemi qui va creuser, qui va faire des nids de poules. Alors, ce qu'il y a au milieu là. Donc, la route est comme cela. Bon, si on peut dessiner en diagonale, ça vous donne maintenant ceci. Voyez? Voilà la route. Salandela. Elle est comme en faible pente comme ça. Il a le col à côté de mon kebou. Les uns partent, les autres viennent. Comme ceci. Pourquoi la bongo? Voilà. Maintenant, ce qu'il y a au centre ici. Vous avez la catastrophe là. Alors, Ésaïe chapitre 35. Salandela, ça y a tout le temps qu'on a mis ça. Nous avons lu. Et la distinction. Vous êtes fini. Il y aura un chemin frayé, une route, le verset 8. De là, tu t'en as moins bien. Par là-bas, la cause à la vanne, de là, penza. Il y aura un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Tu t'en as moins bien, la boule. Nul impur n'y passera. Elle sera pour un seul. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Que Dieu soit miséricordieux envers nous là. Pour comprendre et saisir la pensée qu'il y a au fond. Je prends dans la version de Darby. Pour voir comment c'est rendu, ça va me passer. Oui. Ésaïe 35, le verset 8. Et il y aura là une grande route et un chemin. Il y aura là une grande route et conjonction un chemin. Et il sera appelé le chemin de la sainteté. Non pas la route qui sera appelée la route de la sainteté. Mais c'est le chemin qui sera appelé le chemin de la sainteté. Mais au départ, il y a deux choses. Il y a la route. Et il y a ensuite le chemin. Esaïe annonce les deux choses. La route est une chose. Mais c'est le chemin qui portera le nom du chemin de la sainteté. Et sur le chemin de la sainteté, l'impur n'y passera pas. Mais il sera pour cela. Le chemin, pas la route. Le chemin sera pour cela. Ceux qui vont ce chemin, dit, ceux qui vont ce chemin, ceux qui vont sur ce chemin, qui empruntent ce chemin, même les insensés ne s'égareront pas. Et l'on ajoute, il n'y aura pas là de lion, c'est une bête qui déchire, il ne montera pas, Et n'y sera pas trouvé. Mais les rachetés, ils marchent. Je crois que c'est lui qui dit Amen à compte. La route est là, tout le monde est sur la route. Tout le monde est sur la route. Mais au centre de la route, il y a un chemin. Le chemin, c'est ce que j'ai marqué ici en rouge. La route, elle est spacieuse. Elle est large. N'importe quoi passe. Mais le chemin est au centre. Il n'est pas dans une extrême, ni dans l'autre, ni d'un seul côté, ni dans l'autre, mais juste au milieu là. Et dans la prophétie des Haïtiens, les rachetés, les délivrés du Seigneur, les sauvés, marchent ici. Sur cette fine bande là, c'est là que vous trouvez les rachetés. Vous comprenez que vu le risque qu'il y a des deux côtés, le véhicule, des motos, des chariots, des remorques de bus, dans les deux bandes faisant de vitesse. Mais on vous dit que vous devez marcher sur cette bande. Vous voyez à quel point la discipline est exigée au maximum. Il n'y a pas moyen de former là deux bandes. Tout naturellement, vous ne pouvez pas vous le permettre. Si vous ne formez pas deux bandes, vous êtes au risque. Un véhicule peut vous ramasser en fraudant un peu sur la base. Mais pour que vous ayez raison, soyez dans la ligne droite. Celui qui est devant est devant. Celui qui est derrière, je suis derrière. Celui qui est derrière, moi, demain, derrière. Dans la ligne, nos pieds sur la base. Mais c'est une fine bande. La saison de la moquée à moquée. Reste droite. Moquée d'une pénza. Trois mètres. Vous allez moquer à Bokonda. Elle ne tolère pas d'embouteillage. L'angoté, ça quand j'ai la tête et mon boulot dans la main. Elle exige une discipline à l'extrême. Le Seigneur Bokonda, toi, l'imam, à l'olengue, au ébongi. Moindre, faut pas tu y es parti. Panama, au second salmade, au longolami. Moindre, inattention, tu s'y comptes. Aux angi, boquée, dit, au point, ami. Mais celui qui veut aller jusqu'au bout, doit garder son attention au maximum. Le Seigneur Yabat, c'est la moquée, il est dans mon bimba. Que Dieu bénisse ceux qui peuvent comprendre. Dans Matthieu au chapitre 7e, le Seigneur a dit ceci, au verset 13 et 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Oye koleka na bomo, peba oyo, bakomona yango, bajali mingi te. Voyez, Esaïe a parlé de la route et du chemin. Et Jésus-Christ a parlé de porte. C'est-à-dire, porte moi même quelque part. Quand vous prenez cette bande jusqu'au bout là-bas, il devait se retrouver un portail là-bas. Quand vous prenez aussi cette bande jusqu'au bout, il devrait se trouver un portail. Mais entre les deux, les deux côtés, il doit y avoir une petite porte. Pour ceux qui empruntent le chemin qui est au milieu. Qui empruntent la voie étroite ici. Au bout de la route là, vous trouverez aussi une porte dont les dimensions équivalent à la taille du chemin qui avait été emprunté. Alors, Esaïe lui voit la voie ici. Et Jésus voit la porte au bout. Yesu, amoni ekuke na là où vous allez atterrir. Le chemin spacieux, c'est la grande. Plusieurs font le mouvement là-bas. Mais ici au centre, il y a une minorité. Là au centre, il peut y avoir qu'une minorité. Ici, quand on construit les routes, il y a la bande à piétons. Il faut entre les caniveaux. Ou même des fois, c'est au-dessus des caniveaux qu'on met des dalles. Avec des pertuis. Avec des trous, pour que l'eau qui coule ne stagne pas les lames, à travers les petits lames, aille dans les caniveaux. Mais les piétons peuvent marcher sur les dalles. Vous voyez, vous verrez beaucoup de piétons là-bas parce que la bande à piétons est quand même spacieuse pour permettre les mouvements. Donc ici vous avez des humains, les piétons qui marchent, et là-bas vous avez des véhicules, beaucoup de catégories, ici il y a encore véhicules de toutes catégories. Là-bas encore des piétons dans tous les sens. Mais au centre, là où il y a le maximum de risques, là où la vigilance est voulue au maximum, là il y a qu'une bande étroite qui passe. Et c'est une infime minorité. Voilà les dispositions du plan de Dieu. Chacun doit choisir où veut-il marcher. Chacun doit choisir où veut-il finir. Êtes-vous là? Nous ne pouvons pas marcher chacun suivant sa propre voie. Loin de là. Allons dans Proverbe chapitre 16e. Et voyons encore la méditation qui s'ajoute là. Proverbe 16, verset 20 à 25. Ah, soyons attentifs et profonds. Êtes-vous prêts à approfondir votre méditation? La voie du salut. Maintenant il dit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. L'un trouve le bonheur, l'autre est déjà heureux. Les réflexions peuvent espérer t'amener au bonheur. Mais la confiance en Dieu te donne automatiquement le bonheur. Qui donne confiance à Dieu, son bonheur n'attendra pas. Il l'a immédiatement. Mais celui qui réfléchit, on fait ça de bonnes réflexions, quoi. En se montrant très studieux, le paralytique, il prit le sourire, la chance de faire de belles analyses. Les analyses qui conduiront finalement à ce qu'il trouve le bonheur. Mais c'est lui qui place sa confiance en Dieu. Il a automatiquement le bonheur. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Quand Jérémie a dit ça, il ne t'attendait pas. Mais l'absolue vérité. L'absolue expérience. L'expérience parfaite. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur. La Bible le dit dans les proverbes. Et cela parce qu'il y a du bonheur immédiat. Ne fais jamais faiblir ta confiance en Dieu. N'attaque jamais ta confiance en Dieu. N'affaiblis jamais ta confiance en Dieu. Ton Dieu créateur mérite cela. Ton Dieu mérite le meilleur. De ta part. Quelle nuance. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Ok. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Mais nos systèmes sataniques de l'éducation, comme a dit Satan, l'éducation c'est le camp du diable. L'éducation scolaire et académique. C'est le camp du diable. Quand nous y envoyons nos enfants, nous devons les préparer, leur donner de bonnes bases. Nous ne pas les voir sombrer dans la pénitence. Contaminé de démons. Frère, sur la terre, il y a toutes sortes de mouvements. Parfois, on n'a pas toute explication. Dernièrement, ici, j'étais ici sur Niembo. Vendredi soir, nous avons quitté là après 1h du matin. J'ai pris le volant. Nous avons emprunté le chemin Niembo. Nous avons à Niembo pour rejoindre Avenue Université. On a pu commencer à Université. Hein? Et puis de là, prendre l'université, reprendre l'avenue Tshibangu, rejoindre Biangala. Quand j'arrive presque à hauteur d'un cybercafé qui a un cybercafé. À gauche, la poste connaît l'avenue Niveau. Donc, de regard, vous voyez déjà l'école Sainte-Famille. Frère, j'ai vu des esprits géants sur l'avenue. Université. À la pénombre là sur l'avenue. Mais il faut voir quelle vitesse. C'est comme ce genre de ces enfants-là qui s'exercent sur des petites roulettes. Mais c'était deux démons. Donc, un peu en diagonale comme ça. L'un derrière, l'autre derrière. En train de balancer des formes presque humaines. Tout est nébuleux là. Je sais qu'elle n'a rien vu. Naïbi était à mon acquis côté. Frère Daniel est là. Le Kodan n'est pas à la Kiwana. Hein? Tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Et je ne vous ai rien dit. C'est la levée qui vient de l'autre côté. Peut-être vous allez paniquer, peut-être quand on va entrer sur le macadam, peut-être un accident. Madame Moussou Mokubanga. Non, moi j'ai dit, Seigneur, Madame Mikolo, moi je viens d'une mission. Aïnaï, amen. Outa Moussala. Je n'ai que faire des émissaires du diable. Il faut leur mission. Bango Moussala, ouais, Bango. Toi qui m'as créé, tu es le même qui les a créés. Mais tu es l'autorité suprême finale. Je me suis embarqué sur la voie, marchant sur les traces, et pour des courant plus que ma voiture. Les démons, Ils étaient visibles sur la chaussée. Bah, j'allais comment on a mangé là. Ils disparaissent en prenant la pente. Bango, bah, bungu, posa, kakotenga, mawana. Mais cette vitesse-là, ma voiture, pour l'atteindre, il fallait ajouter. Bango, voilà, moi, tu connais pas la voiture, ma bungu, c'est là, quoi, ça, je ne glisse pas dans un piège. Donc, j'allais kokenga, là, dans ce genre d'opération. Alors, l'ingé, mais ça, là, si vous vous mettez à les poursuivre, vous finirez dans le rabbin. Boko, souka, là, l'ouvaku. Kende, j'ai là, yo. Nanzela, au démon de Gaussa le dit, Zala concentré, Yozo qui est de Wapi, Kolanda pas distraction, mais on a quand même à Kouti, vous comprendrez, vous trouvez très bien la gâte par là-bas, mais il est bien la foule. Ne vous mêlez pas des affaires des démons. Faites votre chemin jusqu'à vous. Soyez concentrés sur votre Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alors, dans le système scolaire, qui est l'intelligent, il a obtenu le meilleur point. On va l'appeler le plus intelligent de la classe. Voilà ce que se raconte. Mais dans la parole de Dieu, c'est plutôt celui qui est sage de cœur, qui est décidé intelligent. On peut trouver ce garçon-là ou cette fille-là qui a le plus de points, mais qui n'a aucune sagesse. N'est-ce pas que c'est vrai? Alors nos systèmes avec des papiers nous donnent à quoi ça s'appelle? Je pense que le travail ici va dépendre de ça. Et pour gagner un peu de l'argent, le diable a organisé le monde dans ce système. Il a fait la formation ici. La formation ici. Et on se proclame là-bas. Et pourtant la Bible ne dit pas ça. C'est anti-biblique. D'après la parole, c'est lui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Maintenant parmi nous, combien sont-ils intelligents? Boni Vazali Vatunamayeli. Qui sont sages de cœur. Vazali Bwana Namotema. Est-ce qu'ils se connaissent? Que par la grâce de Dieu, ils sont sages. La grâce de Dieu, voilà le commencement de la sagesse. Ce n'est pas le sommet de l'intelligence, mais c'est le commencement de la sagesse. Mais quelqu'un qui n'a même pas la crainte de Dieu, qui voit l'iniquité comme l'eau, qui fait tout ce que son cœur désire, et là, peut-il être intelligent? Il est idiot. Passez-moi le mot, mais c'est sacré. Tout ça, n'a pas besoin de le voir. Il n'a aucune intelligence. Azali n'a pas eu la tâme ou qu'était. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur de livre augmente les savoirs. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment de ses sorciers, c'est leur pourri. Oh non. Le châtiment des insensés, c'est leur folie. Quand les gens deviennent fous, c'est déjà un châtiment dans leur vie. Vous attendez qu'il fasse un accident pour gâter Yama. Non. Déjà la folie là. Et tous les comportements, ça c'est qu'il affiche les gens. La Bible dit que ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a réprouvés. Il les a abandonnés à leur propre passion. Et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et cette folie qui les frappe là, c'est déjà le châtiment de la vie. Ils vivent longtemps auprès des gens, mais ils sont déjà châtiés. Ne vous donnez pas de la peine. On a pas cité. On va pas frapper les gens. Mais il est déjà frappé. Il va te réhabiter. Au nom de la châtiment, on l'aime là. Mais on la parole. Aza déjà châtié. Qui vous sauve à la zone qui ça? Ba mettez sa zone au bagaille. Et ça déjà est tombé dans sa main à finir. Que Dieu nous aide à être sages. Pour bien comprendre ce qu'il y a autour de nous. Plusieurs sont déjà frappés de délits. Dieu les a châtiés. Et le délire est l'une des malédictions. Est appelé intelligent. Et la douceur de l'œuvre augmente les savoirs. Si nous faisons pause pour faire une comparaison ici dans la Bible, on peut aller dans Job chapitre 28. Verset 28, vous le savez. Puis il dit à l'homme, c'est Dieu qui dit à l'homme. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Job, un homme sage, dit ça. Salomon, un autre homme sage, dit ça. L'intelligence, c'est pouvoir s'éloigner du mal. Et quand tu es sage de cœur, Dieu s'appelle un homme intelligent. Et si tu es un homme intelligent, il s'éloignera du mal dans ta vie. Et tu éloigneras le mal de ta vie. Tu chasseras le mal de ton corps. Dans tes réactions, dans tes sacrifices, tu chercheras le mal. Dans ta maison, tu ne voudras pas du mal. Autour de toi, tu ne voudras pas du mal. À cause de l'intelligence spirituelle. Qui aime ça? Que Dieu te bénisse, hein. D'aimer ça. Alors, ne te vante pas d'être sage. Parce qu'en y allant comme cela, avec pression, le châtiment de Dieu va se manifester. Il est écrit dans Romains 1. Deuxième parenthèse. Oh, Dieu dit ceci. Au verset 22. Préventant d'être sages, ils sont devenus fous. Arrêtons la vantardise de notre vie. Vous vantez d'être ceci, d'être ceci. D'être des personnes importantes. Arrêtez tout ça. Ce sont des illusions. Nous ne sommes rien, c'est Dieu qui est tout. Vous allez le côté de soyons humbles et demeurons humbles. Que Dieu nous élève selon lui. Que Dieu nous couronne selon lui. Que Dieu nous qualifie selon lui. Que sa parole nous justifie. Que nous positionne. Que nous distingue. Voilà la vraie gloire. Que la vraie gloire. Mais ici, des gens de la terre, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et la folie là, c'est le châtiment de Dieu. Au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu lui-même les a livrés au diable, au démon. Alors, à livrer Bango. Dieu lui-même fait ça. Vous venez le craindre? Vous ne pouvez pas livrer. Même pas son église, mais Dieu lui-même. Tant qu'on zambe, on a beaucoup de gens, mais on salit tellement vous hommes et les guindelo, il y a beaucoup de gens qui vous livrez un démon. Démon sacanana yo, à saler la yo. Comme il avait livré Saoul, Saoul avait retrouvé dans les choses de Dieu. Il était devenu orgueilleux, paresseux. Il voulait plus se répentir. Alors un esprit mauvais venant de l'Éternel lui a été envoyé. La Bible dit un esprit mauvais venant de l'Éternel. C'est dans 1 Samuel chapitre 16. Je suis agité par un esprit mauvais venant de l'Éternel. Un esprit mauvais venant de l'Éternel. Quand Dieu peut décider de te livrer, toi, sa créature. Imagine. Comme les deux démons géants que je venais de voir banquer. Bande mon ami, balé, milaya, minéne, la monaki, mon colam, ça n'est pas. Mais Seigneur, vous voyez les gens, bazo, ça va me dire, mon mari, mon bazo, il est batté. C'est quoi exactement? Vous parlez des fois des démons de manière imaginaire. Vous parlez des démons de manière imaginaire. Vous parlez des démons de manière imaginaire. Vous parlez des démons de manière imaginaire. Qui va te répéter? Qui va te conseiller? Quelle vitesse! Il se file comme ça. Une fille de Dieu est une fille de père. Elle aime la paix, elle promeut la paix autour d'elle. Les esprits du trouble sont les démons. Et ils sont désordonnés. Ils sont têtus. Organisés. La tête sont les démons. Quand Dieu vous livre à ça. Mais ma voiture, je te dis. De moi, tu ne seras pas conscient de ton état spirituel. Mais tu es pire que n'importe quoi. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Au moins, un bateau, il va dominer l'impureté, c'est malgré la fréquentation de l'église. Mboula Namboula, qui est une église, a changé de mon assemblée, à côté de Gilta, à côté de Kuna, mais impureté, a un maître d'esclavage à Vinaï. A quoi il y a un société. Après qu'on s'en soit ambidoté, il faut qu'à cambido du manamunoko, et salaman à mon côté, et salaman à ma colonnaie, et tout ce matin, mindo sien bindo, et longaïe, malgré la fréquentation de l'église. Je ne veux pas que tu sois possédé du démon. Malignote, bâtez mon avance, je veux que tu sois un racheté. Malignote, à la moussique, la mienne. Car sur le chemin de la sainteté, ni l'impur ni passera. Motorambino, bon côté à Polika. Le chemin qu'on a illustré. Les là où je suis au talent. Et ça y est, 35 versets où tu as dit. Sur ce chemin-là, aucun impur ne s'y trouvera. Mindo, motorambino, bon côté à Kouta, Mawana. On peut se gâter, côté à ma tu as abandonné le chemin de la sainteté. Tu es tombé de là où Dieu a voulu te placer. Je veux un tel livré du Seigneur. Ne continue pas indéfiniment être esclave. Hein? Mais sois un délivré du Seigneur. Et pour être délivré, vous le savez, notre passé de méditation, il était pour la parole du salut. Et Seigneur, il a eu le baba le dico. Je te livre. C'est la parole du salut qui te délivre. Tu la recevras sincèrement. Quand elle produira au dedans de toi l'impact que Dieu attend de ça. Et que tu lui donneras la valeur et l'honneur à l'autorité de toi. Je te livre par la foi de sa parole. Eh bien-aimé, homme et femme, frère et soeur. Fils de la race d'Abraham, race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Ce message de délivrance vous est envoyé. Recevez-le vraiment. Cette parole du salut. Elle ne doit pas manquer de te sauver. Elle n'arrive pas à te sauver. Je me demande qu'est-ce qui pourrait consister. Il n'y a que la parole qui doit le faire. Alors ne la néglige pas. Ne la confond pas. Ne la confond pas. Ne la mélange pas avec les principes de prospérité. Je pense que c'est ça l'évangile du salut. La parole du salut, c'est la parole du sauveur. Et le sauveur vient pour sauver. ton âme. D'abord ton âme. Qui représente ta personnalité. Qui est ta nature. Dieu veut délivrer ta nature profonde. Ce que Dieu veut. Mais si tu ne serais pas malgré ton état. Tu peux le faire. Le Brenham dit quand même. Le pécheur qu'on voit dehors. Mais c'est un fils de Dieu. Dans une condition rétrograde. Quiconque se répand, Dieu l'écoutera. Amen. Quelle soit ta condition spirituelle. Qu'elle n'est pas connue de toi ou de Dieu. Si tu ne connais pas précisément ton état spirituel. Cette parole du salut proclame. Dieu, maintenant là, Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, il annonce à tous les gens, en tout lieu, qu'ils doivent se répandre. Et si les humains, quel que soit là où ils sont, et leur condition spirituelle, révélée ou cachée, ils se répandent, Dieu l'accueillera. Car il a dit par Ézéchiel, je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se convertisse pour qu'il ait la vie. Dieu est bon, il est amour. Alors n'irritons pas. N'irritons pas. Mais cherchons à lui plaire. C'est là. Voilà. Il ouvre 7.4, Romains 7.4. Les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Voilà la nature profonde. Il y a des gens qui convoitent et ne font que convoiter. Convoitent de façon effrénée. Incalculable. Convoitent matin, midi, soir. Convoitent à chaque clignement de leurs yeux. Ils convoitent à chaque souffle qui s'appuie. Ils convoitent tout ce qui passe par les yeux. Ils convoitent ce que les autres proposent. Ils convoitent, convoitent tout. Oh. C'est pas par hasard. Il n'y a pas passé. C'est une nature profonde. Qui est esclave du mal. Vous allez m'oublier. Et ça vient du cœur. Mais si tu rejettes la parole du salut, vous voyez ce qui te reste. Le demeurer dans cet état. Seigneur, ta parole est puissante. Elle est comme une semence. Elle ne peut pas retourner à toi sans avoir atteint le résultat. Je veux que dans mon cas, elle atteigne le résultat. Supplier Dieu comme ça. Bon, il exaucera. Priez, priez, Dieu entendra. Répandez-vous, Dieu, pardonnez-moi. Amen. La repentance, c'est la voie du salut. C'est le chemin du retour à Dieu. Vous agréez par lui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon le convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu, par sa chaleur, il me chauffe ici. Et le corps réagit. Je veux que la même chaleur t'atteigne. Si tu entres dans cette même zone, la crainte de Dieu va s'excessive de toi. Tu deviendras comme moi. Tu vois, comme tu me vois comme un homme seul, tu deviendras aussi saint comme moi. C'est l'atmosphère. La présence de Dieu qui nous fait haïr le mal. qui nous fait condamner le mal. Ça dit quoi, ça m'a dit. Ça est dans notre nature. Nous sommes contre cela. Vous allez contre les mélanges. Oui. Écoutez maintenant. Quand nous retournons à Proverbe 16, parce que là c'est pour ma personnalité. Proverbe chapitre 16. Vous dans votre bas. Il est écrit, nous étions verset 21. Et le qui est sage et le cœur est appelé intelligent. L'homme intelligent est celui qui s'éloigne du mal. C'est Amen. Et la douceur de lèvres augmente les savoirs. Or la douceur de lèvres doit provenir de la sagesse du cœur. Moto yo bwani tondi meke na motema mbebu na ye ko dégager douceur. Ba violence te, ba insolence te, ba impolitesse te, ba indifférence te, arrogance prêté, a cause à la hautainte, sagesse qui dit ça. Bwana. Ça les ramène des situations. Tu n'as pas réagi comme tout le monde. Voilà, pour Verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, on l'a dit, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Malobaya mutu na bwani ya motema ya lien etwa. Elobeli ya mutu na bwani ya motema ya lien. Lien biblique. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Motema la motema mayele ukolatisa mona kona ye. Tu ne peux pas ça, mon ami, te juger toi-même. Pour voir si tu es sage ou non. Voilà comment la chose est la bonne à côté. Chaque fois, on le baka, quand on a plein de travaux murmures, est-ce que tu vas de bagna? Si tu es plein de ceci, si tu es plein de celui-là. Oui, là, là, si là, là, ceci. Là, là, oh, oh, oh. Jusqu'à quand? Inouati, c'est le tamonini. Reçois la sagesse dans le cœur. Yamba, voilà, quand la motema. Et ta bouche te manifestera. On a pas eu le talit à l'ango. Balobite que silence est synonyme, hein. Ya bwanya. Ou ba tu soko yoka bongo, ami pesi discipline na bomoto. Nokole na kolobaka so mingi te. Mais occasion ko yakaka, okolobata na nko. Quelque chose qui va te forcer à parler. Et ça c'est pas pareil, ta nature ka se va apparaître. Bango koloba, le lengo ne bomba me ko tali sama. E ko yebana, koko sama na yote. Il ne faut pas chercher à te sauver toi-même. Je t'envoie la parole des saints. Je tiens des paroles qui doivent te changer. Il doit opérer dans sa vie. Il doit réaliser des changements profonds. Du cœur au dehors. Du cœur au dehors. Je crois à cet événement. Nous l'avons dit en semaine, on le rappelle. Avec Paul. Paolo, je n'ai pas honte de l'évangile, la fin la moute, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et c'est Amen pour l'éternité. La parole, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Quelqu'un viendra seulement se piétiner. A bendi angwa leo wana mkua na misu na yo. Yo kati kori kumatu kiko bima. Mese la sambwe. Un homme marié qui vient dans la marmite, il doit choisir de mousser les viandes qu'on doit le mettre dans l'assiette. Aye, kati na zongo kupone ya mousser, fekele batela na sani. Kika ina lingagande oyu. Na sikori suru wana. Mwana na ye oya zaka teti wana ndi alini yangu. Kako ya yoke la kayete wana. Maman va te expliquer. Oh, de... Ah, il y en a pas là, il y en a pas là, il y en a pas là. Ok. On sait qu'est-ce qui s'est caché dans le cœur. Il n'a pas la sagesse. Il n'est pas digne de diriger sa maison. Un homme qui n'a pas la sagesse ne mérite pas de diriger une famille. Pour le frère, il dit amen. Pasteur, on va nous voir tester, pasteur. Aux hommes mérités. On mérite tout, Verset 24. Quand tu parles avec lui, tu sens la maturité, la maîtrise. Et puis, par l'expérience, il accumule le bon savoir. Soyez comme ça chaque jour. Vous allez venir à l'économiste. Plus on doit comme un théâtre, plus il faut comme un meilleur. On doit sentir que le savoir augmente. De la sagesse de Dieu qui t'est enseigné ici. Mais on ne veut pas comprendre que c'est royo, banda yo kamateya, mais mobali naye a se plaigner des mêmes choses. Des années, on tourne, on revient toujours aux mêmes choses encore. Mobali père, moi soyo, banda papa la bambou. Mais les mêmes reproches toujours. On dirait rien ne change. Frère Branham nous dit que nous apprenons peu à peu par la pratique. Et si quelqu'un ou quelque chose n'apprend pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une personne normale doit apprendre. Nous restons bébés. Nous ne restons jamais bébés. Il y a toujours un changement en statut, en confiance, en langage. Ça se voit. Et plus on est dans la pratique chrétienne, plus nous devons nous accroître. La sagesse doit augmenter. Le savoir spirituel doit augmenter. La maturité doit s'installer. Voilà. Nos voeux pour vos âmes. Nos voeux le plus sincère pour vos personnes. Que ça se reflète, que ça se manifeste. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Dites-moi, est-ce que la parole du salut n'est-elle pas une parole agréable? L'évangile de votre salut n'est-il pas des paroles agréables? C'est par elle que même le corps obtiendra aussi son salut. Et que les œuvres mortes qui tourmentent votre corps prennent la vie de chacun d'entre vous. Par le progrès de la parole de Dieu. Que l'encre ait trouvé une bonne place au fond de l'âme. Ne la restez pas au-dessus de la superficie. Ne la négligez pas. Laissez pénétrer cette parole au fond. Et que de là, elle se plante, naisse et se reproduise. Voilà. Qu'elle croisse à salut. Qu'elle vous fasse croître à salut. Le Seigneur a disposé qu'il en soit ici.